la FF, la famille en furie. Joue la carte du renouveau, le joker. Un espoir dans la lutte contre les Rennes comme Winter, frère. L'équipe est au complet, prêt pour le championnat. Et l'on combat Marseille, s'exporte jusqu'à Montréal, Canada. FF, troisième équipe, kiff. Ce morceau tu kiffes comme un boss spliff. French Connection, jeune chacun sous le sunshine. Marseille, sa production, live jusqu'au Liechtenstein. Tactique Einstein, quadrille, hexagone, rapologique. Mars le phare, la fondation, rap anthologique. FF, troisième œil, représenteur. Ceux qui nous ont vus savent que je suis pas un menteur. Chaque 24 heures, fidèle au poste, ma cote monte en flèche. Faut que les producteurs nous lèchent le cul et lâchent la fraîche. À l'abordage, opération pillage. Mars, Toulouse, dévisage le paysage, les fers de lance. Imagine la rue, connexion. FF, troisième œil, face du vif à l'action. Avec des phrases nasées, sur scène toujours enragé. Hip hop de Mars finirait par propager. Pour outrager les prétendants qui maudissaient à une autre musique. Écoute fiston avec ma clique, y'a pas de hic. Roule le stick, pendant que mon mic j'assique pour foutre la pression. Montez le boxon. Je balance du bon sang, juste pour les vrais, tu le reconnais, non? La voix du padré, toujours le même accent, 100% marseillais, tu ne peux pas te tromper. Essaie de me tromper, et mon mic me servira pour te châtier. Si tu ne comptes que vendre de rimes, toute ma bande de chacal s'exprime. Représente partout notre emblème de 13. Section nique tout, troisième œil avec nous, y'a pas de trêve. On gèle mic, tel un glaive. C'est un raid, marée d'âme, si gradé. Marseille assailli, mort à celui qui trahit ou faille. Y'a fossé, faut se débrouiller pour s'en sortir. Des guns viendra se nourrir, plutôt de voir périr en perte. On rend des productions hip-hop sans concession. FF, de fossiles incrustés tels des fossiles. S'il faut se filer pour réussir, compte sur nous. On n'invente rien, tout se passe tout près de chez vous. Enfin, on lutte pour voir le bout du tunnel. Champagne, jacuzzi, charme et 69 fantasmes. Je rappe mon drame, rame dans mon élément. Représente chèment pour le drapeau bleu et blanc. Le troisième œil, le mien du troisième arrondissement. Marseille, un nouveau gisement. On ne sera jamais plus riche que le baron Brunei. On cherche des rangs comme nos darons à travers le pays. FF n'a jamais trahi sans que le président aille. Marseille envahit la France et désobéit. On ne sera jamais plus riche que le baron Brunei. On cherche des rangs comme nos darons à travers le pays. Troisième œil n'a jamais trahi sans que le président aille. Marseille envahit la France. Et ouais, je rappe pour la grosse paye. Rien qu'une matière, aucune raison de mentir. Larmes aux yeux, même avec des lacunes, je m'en tire. Grâce à Dieu, des rimes naissent, pourtant pas un télo. Inspiré de la rue, je défends son hip-hop. Demande à Costello, profession MC. Fumeur, Paulina et Sensi. Marseille envahit la France de son malsain. Enfin, sois ça dans le teston. Laisse ta lame sous le veston. Et monsieur et madame, dans la réalité restons. Certains se plaignent, ça commence à peine. Certains veulent nous enlever le pain. Ça commence à plaire, bouffeur pur et fier. Comme les oncles bien bourrés, fiers. Avec le rap sur le bout des ongles, faut qu'on mange, frère. Quitte à finir au placard, personne partira la queue entre les jambes. Mais des billets casés dans les placards. Dans ce cas, on squatte le hip-hop tant que les racailles dans Sky. Massacre au mic, ramasse la caille, on se casse. Dans nos rues, l'ami c'est pour mon clan. Si je représente encore hip-hop de rue. 143, écoute ma voix. Si tu m'envoies en concert en Sibérie, j'irai de bon cœur en furie. Défendre les couleurs de Mars, le CO. Je ne recule devant aucune mission. Parole de titan, plein d'ambition, qui ne manque pas de cran. Tout comme tout, j'essaie de faire ma place. Reste de glace devant les rapaces. Que dans les prochains magazines, hip-hop, FF, troisième œil. Face à une et la fierté de Mars, tant attendu. FF arrive et rien ne va plus. Allié pour le meilleur comme le pire. Plutôt souffrir que trahir. L'enfant terrible et des Comores encaisse les victoires pour son écurie. Mon envie, secouer les ondes avec ma dope. Un hold-up, 100% hip-hop, en faire des accros. Que ma voix sonne gore dans les monitors. On fasse vibrer les dance floor. Là on est d'accord, un seul mot d'ordre. À fuir le LAI, ça ne te rappelle rien. Alors repense à qui dit Marseille envahie. N'est pas mon ami qui veut, n'est pas MC qui veut. On a traîné notre rap derrière nous depuis des années. Pour devise ne jamais stagner. Arrive en 97, comme des acharnés. Avec le troisième œil, bosse pour le hip-hop, le mien FF. 9 personnes mènent dans la main. Représente la rage des quartiers. Oublié, présent pour piller, jamais se replier. Se faire payer en liasse, bien plié. Pour sauver nos âmes de tout ce qui est tentant. Tentation va en augmentant. Plus d'études dans la rue que des croquants. C'est simple, on sera jamais une des plus grosses fortunes de cette planète. Le rap ne rapporte rien, trop la rage pour arrêter net. Marseille envahie, désobéit aux règles pourries de ce pays. Plus de mise sous tutelle, hip-hop de Mars répond à l'appel avec honneur. Qui a peur est un enculé. Pas question de se faire manipuler. En famille, pour mieux régner. Marseille envahit la France de son malsain. Marseille envahit la France. On ne sera jamais plus riche que le baron Brunei. On cherche des rangs comme nos darons à travers le pays. FF n'a jamais trahi le sang que le président aille. Marseille envahit la France et désobéit. On ne sera jamais plus riche que le baron Brunei. On cherche des rangs comme nos darons à travers le pays. Troisième œil n'a jamais trahi le sang que le président aille. Marseille envahit la France et désobéit. Et parrain qui opère un certain sale junkie. Troisième œil est funky, garde les terrains conquis. C'est du nique tout. pénalisés font foncer. Les Marseillais viennent tout défoncer en défendant les couleurs bleu et blanc. Comme les 11 joueurs de foot, premier à ramener la Coupe d'Europe. Bon, là on parle hip-hop, non? Et on tient bien se battre pour le nom. Marseille. Mon DJ te le rappelle. Marseille et sa production, c'est pas signoré. Marseille, on te prête au troisième œil. En deux temps, trois mouvements, tes amis sont en deuil. Si tu nous traites, mec, on te prête au troisième œil. Tes amis sont en deuil. Les Marseillais viennent tout défoncer pour foncer. Les Marseillais viennent tout défoncer pour foncer. Les Marseillais viennent tout défoncer pour foncer. Les Marseillais viennent tout défoncer pour foncer. Les Marseillais. And I'll be back.